Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La paysannerie de l'an 1000 pour travailler la terre et pour réviser notre vocabulaire. Arère, charrue, soc, glèbe, servage, jachère, assolement triennal. Le temps des laboureurs est-il un monde sans ressources? Travailler la terre, jachère à quoi? Oui, alors nous entrons, si vous voulez, maintenant dans le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, dans le premier Moyen-Âge, qui est un monde sans ville, et où la campagne est tout. Mathieu Arnoux, bonjour. Bonjour. Vous avez reconnu la voix de Georges Duby, l'historien. Oui, total respect. Oui. Avec, ici, ce que dit Georges Duby, c'est ce premier Moyen-Âge est un monde sans ville. C'est vrai que le Moyen-Âge que vous étudiez, c'est ce monde qui est souvent présenté comme un monde en pleine transition, avec un mot qui revient sans cesse, et je crois qu'on peut lui faire un sort dès le début de cette émission, celui de révolution agricole. Est-ce que le Moyen-Âge, 11e, 14e siècle, connaît une révolution agricole? Alors, c'était une idée de Georges Duby, qui ensuite, dans des livres d'interview, est revenu sur cette idée en disant « Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, les éléments étaient déjà là. » Et puis, c'est des gens qui, pour une part, étaient ses élèves, ont quand même dit « Attention, le haut Moyen-Âge, l'avant de l'an 1000, Pierre Toubert, Pierre Bonassi, ont dit « Non, ce sont des moments de croissance, des moments de défrichement, mais ce sont des moments initiaux. Donc, il se passe quelque chose. » Et c'est toujours la même chose avec les historiens. Il y a ceux qui disent, en fait, ça commence quand ça commence à changer. Et puis ceux qui disent, non, ce qui se passe d'important, c'est quand c'est devenu irréversible. Donc, est-ce qu'on va dire 980, 1050 pour la flexure, ou est-ce qu'on va dire 1180 Pourquoi 1180, c'est irréversible, ça y est. Ah, 1180, on n'est pas réellement rentré dans un nouveau monde. Mais est-ce qu'on est obligé de choisir? J'en sais rien. Moi, je pense qu'il vaut mieux dire ce qui est intéressant, c'est le processus. Voilà. Il commence et il obtient des résultats. Oui, vous venez de prononcer le mot essentiel, celui de processus, c'est mieux que révolution. On sent que c'est quelque chose qui s'étend sur des siècles. Avec le passage d'une situation au début, donc avant l'an 1000, à une autre situation après. Si on veut le dire plus simplement, qu'est-ce qui se passe? Qui cultive la terre? Si on se place à l'an 1000, alors évidemment, il y a tout un panel, hein, mais qui cultive la terre? Souvent, le servage vient à l'esprit. Est-ce que c'est juste? C'est quelque chose de compliqué. D'abord, que ce soit clair, je prétends pas comprendre ce que c'est que le servage, parce que je pense que c'est, si on va au-delà d'une définition qui est cette une structure de domination, c'est une situation de domination et de domination déshonorante ou non honorable pour ceux qui sont dominés, alors que la vassalité est une structure de domination qui n'est pas déshonorante. Si on va au-delà de ça, ça devient très très très confus, parce que c'est simplement pas la même chose. C'est pas la même chose dans les Pays de Loire, c'est pas la même chose dans les pays germaniques, c'est pas la même chose en Champagne, c'est pas la même chose en Île-de-France. Donc, et c'est pas obligatoirement associé au travail. Les serfs dont nous connaissons le plus de choses sont des gens qui sont aux limites de la chevalerie. Donc c'est compliqué. Par contre, il y a absolument aucun doute qu'il y a des contraintes sur le travail, qu'il y ait servage ou qu'il n'y ait pas servage. Ça, c'est le régime seigneurial qui veut ça. Le régime seigneurial avec un paysan attaché à sa terre. Mais vous le dites avec justesse, Mathieu Arnoux, ce n'est pas partout pareil. Si on va en Normandie, des serfs, il y en a peu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. On ne sait pas depuis quand, parce qu'il devait y en avoir juste avant. Il n'y a plus d'esclaves. Ça, c'est sûr. Et il faut se souvenir que quand même, jusqu'en l'an 1000, il y a une traite esclavagiste dans le nord et dans le nord-ouest de l'Europe. Hein. Les Vikings sont d'abord des trafiquants d'esclaves. Ça disparaît. Ça disparaît radicalement, il n'y en a plus. Hein. Donc moi, à ma connaissance, il y a un esclave vendu sur le port de Rouen vers 1015, et puis c'est tout. C'est fini. Et par contre, il va en rester en Méditerranée. C'est la Méditerranée est esclavagiste, mais le nord de l'Europe ne l'est plus à partir du XIIe siècle, début ou fin selon les régions. Donc, paysannerie libre, pas complètement libre. Et puis, Pierre Bonassine nous disait des paysans sur les routes partout. Partout, qui vont, qui viennent, qui se déplacent, ça depuis l'époque carolingienne, donc pas si attaché que ça à la terre. Ouais, c'est ça, hein, c'est l'image que nous avons de paysans qui ne peuvent pas partir, mais on le sait bien, les serfs ne sont pas des esclaves, par définition même, l'esclavage n'existe plus, et des situations extrêmement varié. Il y a un lien au seigneur, mais le seigneur peut être, si on se place en Île-de-France, le roi, tout simplement. Le roi ou l'évêque ou un abbé. Donc l'Église, c'est pas réellement personnel. Si, on dit qu'on est serf de Saint-Martin ou on est serf de Saint-Denis, je sais pas bien qu'est-ce que ça peut signifier dans l'esprit des gens. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'un attachement personnel. Alors ici, nous avons des paysans libres, d'autres qui sont moins libres, comme ça on reste dans le flou. Et puis après, on parle souvent des moines qui cultivent la terre. Est-ce qu'on peut faire un petit panorama? Parce que les moines cultivent réellement la terre. On sait que la règle de Saint-Benoît dit que faut mettre un petit peu de cœur à l'ouvrage et qu'il y ait un peu d'ouvrage à côté de la prière. Alors on va essayer de rendre la chose un peu confuse. D'abord, on va dire des clercs. Les gens dont on coupe les cheveux et qui dépendent de l'évêque. Ou du pape s'ils sont sous le sceau de l'immunité. Il y a là-dedans des moines qui obéissent à la règle de Saint-Benoît, qui disent il y a quelque chose qui s'appelle l'opus. Opus, ça veut dire le travail. Bon, sauf que dire la messe, c'est du travail. Donc ça oblige à élargir un petit peu, recopier les textes, c'est du travail et nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Et puis il y a des chanoines, c'est-à-dire des clercs qui vivent en communauté et qui dans la plupart des cas sont des prêtres. Bon, c'est une autre forme. Puis il y a des ermites qui vivent tout seuls. Et puis il y a des gens dont on ne sait pas qui ils sont, qui vivent ensemble et dont on apprend l'existence quand on va les transformer au choix en chanoine ou en moine. Bon, là-dedans il y a il faut un petit peu renier un grand mythe qui est de dire c'est les cisterciens qui ont tout inventé, parce que il y a une expérience extraordinairement bizarre qui est celle de Grandmont. Des clercs qui vivent ensemble, dont le but est absolument, ils ont très clairement travaillé à leur propre disparition, puisqu'ils s'interdisent de conserver des archives de quoi que ce soit. Ils ont une règle disant vous ne posséderez pas de terre, et le meilleur moyen de ne pas posséder de terre, c'est de ne pas posséder de texte disant que vous avez des terres, et vous ferez ce qu'il faut pour que les paysans vous acceptent à leur côté. Et pour être pauvre, c'est très simple, vous vivrez comme les paysans, dans des cabanes et dans la boue. Bon. C'est l'enfer pour l'historien, hein. Il reste aucune trace. Il reste quasiment aucune trace. Il y a peut-être deux ou trois, ce qu'on appelle des selles, des grosses cellules. Alors c'est un mouvement qui est dirigé par les frères convers, donc par des gens qui sont théoriquement des laïcs. Mais on dit les prêtres, s'ils font la seule chose importante, ils prient. Donc la chose pas importante qui est de gérer, ça c'est fait par les frères convers. Et le prieur général de Grandmont, c'est un cas unique, parce qu'il y a quand même 600 celles repérées, probablement, c'est beaucoup. C'est un convert. Donc là, on a quelque chose qui est au niveau, absolument au niveau de la paysannerie, et les moines de Grandmont, les frères de Grandmont, les paysans jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les appellent les bons hommes. Les bons hommes de Grandmont, ils ont des, la règle dit, ils ont droit à une ceinture de cuir, ils ont droit à des gants s'ils en ont besoin, ils ont droit à un chapeau. C'est pas des gens qui sont, c'est pas des masochistes. Non, quand même pas. Et c'est probablement la meilleure manière de se représenter ça. On les trouve où? Dans le Limousin? C'est dans cette zone-là? Alors, ça part du Limousin, mais on va les trouver dans tout l'ouest de la France, c'est dans les îles Britanniques. Bon, nous cherchons qui cultive la terre. Alors, c'est vrai que nous avons nos paysans libres et nos paysans sous domination. Nous l'avons vu pour les clercs. Alors là, ça prend plein de formes possibles, et c'est important hein, de le rappeler. Est-ce qu'on pourrait dire, Mathieu Arnoux, que ceux qui ne travaillent pas, ce sont les seigneurs? Au moins, là, on est tranquille, non? Oui, là, les seigneurs sont, sont prioritairement voués à ne pas travailler. Voilà, comme ça, au moins, on est tranquille, on sait qui ne travaille pas la terre. Ce sont des sociétés rurales. Particulièrement rural, faut le rappeler sans cesse, avec, et vous l'avez utilisé tout à l'heure comme mot, l'idée de conquérir de nouvelles terres. Il faut défricher des forêts. Le mouvement de défrichement, on se situe à quel moment? Alors, à nouveau, complication. Quand on est en Île-de-France, en Picardie, une bonne partie des Pays de Loire, on a des actes qui disent, voilà, on a défriché, on a installé des paysans, ils sont venus, il y a tant d'unités de mesure de terre qui ont été données. Bon, ça c'est, on part du milieu du XIe siècle et ça va jusqu'au début du XIIIe. J'ai longuement travaillé sur la Normandie. Quasiment rien, mais on voit dans les documents des forêts qui disparaissent. Pas d'acte. On sait pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on passe en dessous du seuil de l'écrit et que probablement ce sont les communautés qui sont à l'œuvre, pas les seigneurs. Autour de Paris, c'est les seigneurs. Là, c'est clair. Enfin, c'est les seigneurs qui donnent l'autorisation. C'est pas les seigneurs qui défrichent. Alors. On parle de millions d'hectares. Hein. Il faut pas oublier, il y avait un texte du 19e siècle dit pour un hectare, 10 hommes costauds, 19e siècle, mais ils ont pas de dynamite, ils ont pas de machine. 3 mois de travail. Bon, on parle de millions d'hectares. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont trouvé des organisations collectives pour permettre de faire ça. Et que, en particulier, c'est l'une des hypothèses, ces champs qui ont des formes si bizarres, hein, c'est les lanières très allongées, c'est la manière la plus équitable de diviser la pièce de terre qu'on vient de défricher. Oui, parce qu'on dit défricher, c'est bien sympathique. Hein. Couper un arbre, on peut voir ce que c'est, mais dessoucher. Tous ceux qui ont essayé ont de mauvais souvenirs. Et donc, d'où l'importance de cet instrument qu'on voit absolument partout, qu'on pourrait appeler une binette, une houe, qui est deux crocs d'un côté, une lame de l'autre, qui est l'instrument qui permet de dessoucher, de couper les racines. Oui. Et là, il y a un aspect métallurgique, peut-être sur lequel on reviendra. C'est une paysannerie très, très, très bien armée en choses qui coupent et qui piquent. Mathieu Arnoux, vous êtes directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, professeur à l'Université Paris-Cité, et vous venez d'évoquer la houe, donc premier instrument. Mais est-ce que ces instruments-là font partie du processus, ce changement qu'on évoque aujourd'hui dans le cours de l'histoire? Parce que beaucoup de métal dans ce monde paysan. Alors, belle difficulté, pas beaucoup de textes. Georges Duby disait quasiment pas de métal. En fait, c'est qu'il était très très pessimiste. On en trouve plein dans sur les champs de fouilles. On trouve, là il y a eu récemment une enquête sur l'est de la France. On parle de centaines de tonnes de fer autour de Nancy, et qui travaillent ce minerai affreux qu'est la minette de Lorraine, et qui le font visiblement très bien. Donc, non, il y a du fer partout. Juste une mesure. Et quand on travaille à la main, c'est assez rare qu'on casse les outils. Quand on travaille avec des animaux, on perd les fers, les charrettes se démantibulent, le soc de la charrue Et 18e siècle, on estimait ça à 1 kilo par hectare cultivé par an. Je pense que c'est beaucoup. Mais même si on met ça à 300 grammes, ça reste des quantités colossales. C'est énorme, la quantité de métal perdu. Vous venez d'évoquer le soc, bien souvent présenté comme le moment révolutionnaire de la manière de travailler la terre. Mettons de côté la révolution, gardons le processus. Qu'est-ce que le soc ? Alors, il y a deux pour cultiver la terre. On n'inonde pas les champs en Europe. On n'a pas l'eau qu'il faut pour. On n'a pas. Et puis, c'est pas comme ça qu'on fait. Et le blé, c'est pas comme ça que ça se cultive. Donc, il faut labourer. Il y a deux types d'instruments. L'un est symétrique. C'est l'arrière. Il fait une petite rainure à l'intérieur du sol. C'est pas très coûteux en termes énergétiques. Et c'est pas très coûteux en matériaux. Et puis l'autre est asymétrique et il retourne la terre. Et on a des effets qui sont des effets qu'on voit parfaitement dans les photos aériennes. C'est-à-dire qu'il y a des transitions, des translations de la terre du champ de 15-20 centimètres à chaque labour. Ça, c'est très coûteux en termes d'énergie. Ça nécessite que le forgeron soit quelqu'un le laboureur soit quelqu'un de lourd. Donc il faut qu'il soit bien nourri. Ah oui, c'est-à-dire qu'il est posé sur son soc, on va dire juste au-dessus du soc, mais pour que le soc s'enfonce, il faut qu'il soit un peu costaud. Voilà, et toutes les représentations montrent les deux manchons qui sont asymétriques et qui disent qu'il y a une poussée vers le côté et que pour faire son sillon droit, le laboureur doit s'arc-bouter. Donc c'est quelque chose qui dit que l'homme fait partie de la machine, d'une part. On n'a pas, si vous enlevez le laboureur, la charrue se met sur le côté. Donc vous labourez rien. Et l'autre chose, c'est que vous perdez énormément de fer, et donc vous avez besoin d'un forgeron à demeure. Donc il y a un forgeron par communauté. S'il y a un forgeron, faut le payer. Et on a une des voies vers le marché. Si on a un forgeron, un charron, un maréchal, etc., il faut des formes de rémunération. Donc il faut quelque chose qui ressemble à de l'argent, il faut des échanges, etc. Ah oui, tout est lié. Hein. On part du soc sur la charrue, et puis dès lors, on s'imagine que on ne peut pas vendre, on peut pas consommer l'ensemble de ce qu'on a produit. Il faut en vendre une partie pour avoir de l'argent pour pouvoir payer son maréchal ferrant, par exemple. C'est important. Exactement. Ou son forgeron. Je vous propose d'écouter la présentation des outils médiévaux par Georges Duby. Imaginons justement ces outils qui presque tous sont encore en bois. C'est à peine si on utilise le fer, le peu de métal qui existe est employé pour la guerre. Et ces gens qui sont à la merci de cette instabilité climatique, eh bien les pauvres richesses qui sont ramassées par ces très pauvres gens leur sont en très grande partie retirées par les maîtres. Et ces maîtres du sol jouissent de leurs propriétés de manière justement à extraire de la paysannerie d'une part des forces de travail par la corvée, n'est-ce pas, qui est appliquée à la partie de la terre que les grands propriétaires mettent eux-mêmes en culture et qui d'autre part extorquent aux ménages paysans qui sont des tenanciers des redevances en produits ou parfois en monnaie. Georges Duby, en 1976, ici, alors il y a cette nuance des paysans qui ont, selon vous, beaucoup plus de fer que ne l'imaginait Georges Duby, mais c'est vrai que le fer est associé à la guerre, il est associé à l'arme, il est associé aux vêtements de protection. Absolument, mais je pense que c'est pas beaucoup. Je pense que la campagne en demande beaucoup, beaucoup plus. Alors, une des choses qui est implicite dans le texte de Georges Duby, c'est si on donne des outils en fer aux paysans, ils risquent d'en faire un mauvais usage. Ah oui. Et là, l'iconographie est absolument sans ambiguïté. Quand on voit un paysan qui est en train de lever sa faux ou sa binette, c'est qu'en face, il y a tout à craindre. Hein. Ce sont des gens dangereux. Donc, je pense qu'il a une hypothèse très pessimiste. Il faut dire que quand il a commencé à écrire, les meilleures sources archéologiques qu'on avait étaient sur le nord de la France. C'est le seul endroit en France où il n'y ait pas de mine de fer dans les environs. Ailleurs, il y en a absolument partout. Donc, dans les années qui ont suivi, et de fait, il l'a reconnu. On a dans l'Île-de-France, en Bourgogne, en Normandie, etc. On a dû faire absolument dans tous les coins. Donc non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, il y a du métal un peu partout. Nous parlons de ces humains qui travaillent dans les champs. Nous parlons de ces outils que les humains utilisent. On doit dire un mot des animaux aussi, parce que la charrue, alors elle peut être tractée par un être humain, ça, il n'y a pas de problème. Elle peut l'être surtout par des animaux. Par des animaux. Alors, il y a un choix. Là, il faut, à nouveau, il faut se méfier des choses binaires, des analyses un peu schématiques. On dit le bœuf c'est bien, mais le cheval c'est mieux. Non, le bœuf c'est aussi bien que le cheval. C'est aussi puissant et le bœuf ça mange de l'herbe, donc c'est très bien. Et le bœuf, les paysans les mangent ou peuvent les envoyer à la ville pour les faire manger. Le cheval c'est bien. Le cheval, ça ne mange pas de l'herbe, il faut le doper avec de l'avoine. Ça veut dire que le cheval cultive sa nourriture, ce que ne fait pas le bœuf. Ce qu'il y a d'important, c'est que le bœuf, il fait 4, 5, 6 km heure au maximum dans ses pointes de vitesse les plus extrêmes. Si vous avez un champ à 3 km, ça va pas être très bon. Si vous avez un cheval, vous pouvez avoir des pointes de vitesse totalement sans comparaison, et puis vous pouvez l'envoyer à la ville. Donc le cheval c'est multitâche, c'est à la fois ça tire et puis ça transporte. Le bœuf transporte rien au Moyen Âge ou très peu, c'est pas utile. Donc il y a ça, tout dépend. Quelle va être la demande de travail qu'on fait? Et dès qu'il y a une ville dans les environs, on a besoin de chevaux. Ben oui, non, mais c'est vrai que vous avez raison de le rappeler. Si le champ est labouré, à labourer se trouve un tout petit peu loin, y aller avec son bœuf, ça marche pas vite. Hein. On met du temps, on perd la moitié de la journée déjà pour aller jusqu'au champ. Alors là, bien sûr, nous parlons de ces animaux qui sont utiles au travail des champs. C'est une bonne chose. Mais Mathieu Arnoux, je vous propose un autre animal. Regardez, il passe là, c'est un goupil. Nous allons vous conter l'histoire des aventures, nous allons vous conter l'histoire des aventures de Renard. Renard veut acquérir un autre métier, devenir laboureur de la terre. C'est le métier qu'il faut estimer le plus, car tout ce qu'il a, c'est Dieu qui le lui envoie. C'est à ce labeur qu'Adam se consacra quand il quitta le paradis. À labourer tous les jours, il s'obligea. C'est ainsi qu'il gagna sa vie. Quand Dieu montre la voie, il faut que je la suive. Voici donc Renard au travail. Il poussa sa charrue du matin au soir. Ailleurs, il n'alla, ni ne courut. Il se tint à une vie modeste. Parti le matin, revenu le soir. Après un an, voulant savoir de son travail quel profit il peut avoir, malheur et douleur cuisante, mal coucher et mal vivre, un an que j'ai passé à trouver plus de malheur que durant les 20 années d'avant. Renard contrefait, c'est Mathieu Copal qui nous lisait ce poème satirique. On est autour de 1300. Renard qui est un héros, Mathieu Arnoux, de votre livre « Un monde sans ressources » publié chez Albin Michel. Pourquoi Renard? Alors ce Renard contrefait particulièrement. Alors, Renard, c'est un cas très très très curieux parce que c'est un nom germanique, hein, c'est Reinhardt, mais il a détrôné le vieux nom latin de Goupil, dans le langage. Donc c'est un cas très très étrange où le nom du héros de fiction devient le nom de l'animal dans la réalité. Donc ça dit le succès absolument gigantesque de ça. Le roman de Renard, qui est une espèce de buisson collectif avec des branches, commence 1170. 1180 peut-être, et vers 1240, 1250, c'est fini. Il y a plus de branches qui poussent, mais il y a des gens qui s'installent, il y a des squatteurs. Donc il y a Rudebeuf, qui en profite pour insulter une bonne partie de la classe seigneuriale. Et puis il y a un clerc champenois, donc là on est après 1300, 1310, 1320 peut-être. C'est visiblement quelqu'un d'extrêmement névrosé. C'est pas un paysan. Il déteste le monde auquel il appartient et donc il dit je vais m'habiller en renard, parce que renard est le seul qui ait la parole libre. Renard, c'est celui qui regarde et qui se sert. Hein, c'est un voyeur, c'est un personnage assez détestable quand on va lire le roman de Renard, mais c'est un personnage tout à fait fascinant. Et dans ce Renard contrefait, il décide de devenir paysan, il s'y essaye. Il s'essaye à toutes les situations sociales. Il y en a et soit il va être d'une profonde malhonnêteté, donc il y a cette idée que le seul métier vraiment honnête, c'est d'être laboureur. Il dit c'est très honnête, mais réellement on peut pas avoir une réussite si on est laboureur. Donc il dit c'est très bien de me dire que c'est Adam au paradis, mais c'est pas Adam au paradis. Donc c'est un texte de critique sociale qui est tout à fait intéressant, parce que il y a une espèce d'amertume sur des rêves de croissance qui après 1300 se sont évanouis. Le temps des laboureurs, ça c'est le titre, Mathieu Arnoux, d'un autre de vos ouvrages, Le temps des laboureurs, sous-titré Travail, ordre social et croissance en Europe, 11e, 14e siècle, parce que la croissance, c'est aussi toute cette réflexion-là. Alors Renard, contrefait, est un peu déçu parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail d'être laboureur. Laboureur, c'est un bon statut quand même, hein. Alors, laboureur, c'est quelque chose de curieux, parce que le terme latin, laborator, il va se traduire par laboureur dans un cas et par vilain le plus souvent quand c'est au pluriel. Donc les vilains sont pas vilains, ce sont des gens de la campagne, hein, ce sont des gens des villages. Mais quand même, ils sont vilains, ils sont laids. Ils puent, ils sont. Et puis, mais c'est très ambigu, parce que les vilains dans les chansons de geste sont des gens très costauds, très. Ils ont des bras et des jambes épais et ils cognent. Donc c'est un point qu'il faut qui est peut-être aujourd'hui peut nous paraître intéressant, c'est ils sont à la fois des gens justes, le fruit de leurs efforts est loyalement acquis par ce travail au contact de la nature, mais sont des gens qu'il faut pas chercher, et en particulier quand ils pensent qu'on leur fait une injustice, là ils sont capables de devenir méchants. Et à ce moment-là, ils prennent pas d'épée, hein, et ils prennent des massues. Dans tous les textes, on voit, ils tapent à coups de massue. Et ça fait mal quand même. Hein. Et ils sont très nombreux. Et ils sont très très nombreux. Ouais, donc c'est vilain, c'est laboureur, parce que dans cette lecture sociale que nous pouvons avoir de ce monde paysan, il y a vraiment cette grande variété de statuts, variété régionale, hein, pour insister là-dessus, on ne peut pas généraliser. Et puis, toujours cette grande question du Moyen-Âge, c'est ce temps long, c'est cette évolution. On ne peut pas résumer toute cette période en un point donné. C'est compliqué, parce que vous l'avez expliqué, il y a quand même, en disant Adam, vous l'avez évoqué, il y a quand même une lecture religieuse à avoir de tout cela. La lecture religieuse, c'est la gloire de travailler la terre, ce n'est pas rien. Et il y a comme un contraste ici entre ce que vous nous dites de ces vilains qui font peur, et puis ce sont eux quand même qui travaillent, qui font pousser le blé. Bah, c'est le il y a un pacte dans cette histoire, il y a un pacte de la croissance, et on le trouve le mieux exprimé dans les textes sur les trois ordres, qui disent attention, il faut qu'ils soient correctement nourris, Hein, il faut pas qu'ils prétendent à avoir des beaux habits. Il faut pas qu'ils prétendent à avoir des mets de luxe, des choses venues d'ailleurs. Mais il faut qu'ils soient nourris quand même. Ouais, c'est absolument indispensable. Et de ce point de vue-là, quelque chose. On voit qu'il y a une hausse des conditions de vie. La taille des assiettes augmente. Quand on a des maisons qui sont conservées en élévation, elles sont plus hautes. Donc ces gens sont un peu plus. Mais il ne faut pas exagérer. Et donc, l'autre chose, c'est qu'on leur donne aussi la possibilité d'avoir leur moment de gloire. Hein, rappelle ce vitrail extraordinaire dans la nef de la cathédrale de Chartres, les laboureurs de Nogent, qui est un des Nogent qui est à la sortie de Chartres. Il y a un laboureur avec sa charrue, son cheval, qui est magnifique entre deux figures de la noblesse. Donc ces gens ont quand même des ambitions sociales. Et ça peut pas aller très loin. Voilà, ambition sociale qui parfois leur permet de quitter ce monde paysan. Rudebeuf. Le fils d'un pauvre paysan viendra à Paris pour étudier. Tout ce que son père pourra gratter sur un ou deux arpents de terre pour conquérir honneur et estime, il le donnera entier à son fils et lui restera ruiné. Le fils venu à Paris pour apprendre, comme il s'y est engagé, et mener une vie honnête, au rebours de la prophétie, ce que le soc et la charrue ont gagné, lui le change en une jolie armure. Dans chaque rue, il mate, s'il voit une jolie fille. Son argent fuit, ses habits s'usent. Tout est à recommencer. Et voilà les semailles paternelles gâchées. Le dit de l'Université de Paris par Rudebeuf, une lecture par Mathieu Coppal. Ici, un texte 13e siècle, hein, c'est ça, avec Rudebeuf. On est dernier tiers du 13e siècle. C'est Rudebeuf, il faut faire attention à son nom, hein, parce qu'il n'a pas de prénom. Il est Rudebeuf, qui rudement œuvre. Donc c'est un cas quand même très extraordinaire d'un poète qui prétend être un bœuf. Ah oui. Alors on ne sait pas bien d'où il vient, mais il faut se souvenir que c'est quelques décennies avant, on a installé des statues merveilleuses de bœufs dans la cathédrale de Laon, et c'est peut-être bien le coin dont vient Rudebeuf. Donc il faut se souvenir, c'est un Parisien, c'est un authentique Parisien. Le père de cet étudiant, qui est peut-être lui, qui est peut-être pas lui, ça n'a absolument aucune importance. Le père est à deux arpents. Bon, c'est pas beaucoup. Il est probablement salarié. Hein, c'est probablement un laboureur salarié ou un paysan, un cultivateur salarié. C'est comme ça que fonctionne la croissance de Paris. Le père est de condition servile. Arrivé à la ville, son fils peut aller aux écoles, il ne pourra pas faire une très grande carrière. Il ne faut pas exagérer. Mais il peut quand même. Mais il pourrait. Oui. Il pourrait. L'université est un lieu de promotion sociale. Il y a les collèges sont des endroits où il y a des bourses. Et si on est brillant... Mais si on décide que c'est pas ça qui nous intéresse et que les filles et la bagarre c'est mieux, ça va s'arrêter là. Mais il est fils petit paysan salarié sans doute, ce Rudebeuf. Non mais c'est génial comme nom, il s'appelle Bœuf Vigoureux, c'est très bien. Mais quel regard porte-t-il sur ce monde paysan, ce monde d'où il vient? Alors, c'est lui, pour rien au monde, il n'y retournerait. mais c'est un personnage multiforme. Hein, c'est plein de personnes, Rudebeuf. Il y a ce moment où il dit, je suis tombé malade, je suis borgne, je suis un personnage grotesque, j'ai épousé une femme à 50 ans, donc je suis sûr de pas avoir d'enfant. Je vois pas très bien pourquoi je l'ai épousé. Et mon cheval vient de se casser la jambe, et du coup, je vais plus pouvoir gagner mon argent. Donc, lui se représente comme étant un homme avec un cheval. Donc, c'est un, C'est un porteur, c'est un livreur. C'est une des très nombreuses incarnations de Rudebeuf. C'est un malin, hein, et faut pas se laisser complètement avoir. Mais par contre, cette espèce d'esquisse qu'il donne est tout à fait magnifique. Et lui, il est à l'intérieur des murs. Il retournerait jamais dans ces endroits. Donc peut-être il a un peu l'accent, mais. Il reste à Paris. C'est un Parisien. C'est le premier des poètes parisiens. Avec l'histoire de Paris qui s'inscrit dans cette histoire-là, puisqu'il n'est pas possible de séparer le monde rural, le monde des paysans, avec celui de la ville, vu qu'il faut nourrir ses habitants de la ville. Et Paris connaît une forte croissance dans la période qui nous intéresse. Nous sommes globalement autour du 12e siècle, 13e siècle. C'est là où Paris commence à grandir de manière très nette. Paris, c'est le cas limite. On va pas se faire d'illusions. On connaît un chiffre autour de sur Paris. C'est l'état des feux du Royaume de France 1328, 68 000, je crois, feux. Combien de personnes par feu? De quelque manière qu'on calcule, et pour le moment, alors il y a eu un moment où il y avait des protestations des gens qui étaient les fans des cités italiennes disant non, c'est pas possible. Il y a plus de protestations, c'est 250 000 habitants. 250 000 habitants en tout à Donc Paris. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Là, il faut écouter les urbanistes. À 250 000 habitants, il faut que l'administration ait une année d'approvisionnement disponible pour la suite. Donc nous on est extrêmement admiratifs parce qu'il faut se souvenir, c'est pas comme Rome, hein, c'est pas comme Londres, c'est pas comme Naples, il y a pas de bateau qui puisse arriver, hein, la mer est pas là. Donc ça vient des terroirs environnants. Les terroirs environnants, on a de la chance. Au nord, c'est la Picardie. Au sud, c'est la Beauce. À l'est, c'est la Brie. C'est parmi les terres les plus riches d'Europe et probablement du monde. Oui, le Vexin aussi produit beaucoup. Donc, c'est plutôt pas mal par la Seine, quand même. On peut pas faire venir des bateaux. C'est trop loin, la mer. Oui, mais on va les faire venir non, c'est horriblement difficile de faire remonter un bateau depuis Rouen. C'est-à-dire, il faut une semaine pour arriver de Harfleur, le Havre, à Rouen en bateau. Donc vous rajoutez une autre semaine ou plus pour aller à Paris. Trop long. En cas d'urgence, là on est mort. Mmh. Donc non, Paris se débrouille avec les merveilleuses régions qui sont autour. Et c'est des cathédrales du blé. Eh oui. Ça produit énormément avec ces villes et particulièrement Paris. Paris, c'est le cas ultime. Paris qui grandit et ce qui donne, Mathieu Arnoux, l'envie d'aller faire un petit tour au calme dans un endroit, un tantinet désert. L'endroit est situé au diocèse de Châlons. À cause de l'écran formé à cette époque par les bois et les fourrés d'épines, il n'était pas fréquenté par les hommes et n'était habité que par les bêtes sauvages. À leur arrivée, les hommes de Dieu comprirent que ce lieu était d'autant plus propice au genre de vie monastique dont ils avaient conçu l'idée depuis longtemps et pour lequel ils venaient là, qu'il semblait plus méprisable et plus inaccessible aux gens du monde. De plus, à l'écart des habitations, ils accepteraient des terres, des vignes, des prés, des forêts et des cours d'eau pour y construire des moulins, mais à leur propre usage, et pour y pêcher, ainsi que des chevaux, et du bétail de diverses espèces utiles aux besoins des hommes. Et comme ils avaient établi ici ou là des centres d'exploitation agricole, ils décidèrent que ce seraient les convers, et non pas les moines, qui administreraient ces maisons, car la demeure des moines, selon la règle, doit être à l'intérieur de leur clôture. Christine Bruchère qui disait « Le petit exorde », c'est ce document produit par les cisterciens eux-mêmes qui racontent leur propre histoire. On est au XIIe siècle. L'histoire est très belle. Hein. On voit qu'il y a une vraie volonté ici dans la création de cet ordre cistercien. D'ailleurs, Mathieu Arnoux, je profite de vous avoir sous la main. On peut rappeler ce que sont les cisterciens, qui ils sont? C'est l'un des ordres du 1098, hein, pour la toute première fondation. Ça sort du creuset où on va avoir Chartres, il y a les Chartreux, il y a les Grands Montains, il y a les Prémontrés, il y a plein de chanoines réguliers de Saint-Augustin, il y a des gens qu'on ne sait pas définir. Et puis, il y a ce petit groupe qui va s'établir au milieu des marécages dans la vallée de la Saône, et puis qui va très très bien réussir. Et là, il y a toute une série de gens. Alors c'est la réforme grégorienne. Ce sont des penseurs vraiment robustes. Hein. Ils n'ont pas trop de doutes. Ils sont très clairvoyants. Ils ont un projet. Cîteaux, c'est un projet. Ce que Cîteaux dit de lui-même, c'est ce qu'un grand entrepreneur californien dirait de lui-même après sa réussite. Je l'ai fait, j'étais le plus fort et je l'ai emporté. C'est magnifique à lire. Et puis, l'achèvement est extrêmement impressionnant. Ce sont parmi les plus beaux lieux qu'on puisse trouver qui soient restés du Moyen-Âge. Je veux dire Fontenay ou les Sœurs Provençales, Sénanque, Sylvacane, le Toronnais, c'est des endroits absolument magnifiques. De là à ce qu'on nous les vende comme étant des pauvres, non. On va pas aller par là. Ce sont des gens qui ont extraordinairement bien réussi parce qu'ils ont tout fait pour ça. Et il y a tellement de gens qui font tout pour ça et qui ratent que on va les admirer pour ce qu'ils méritent d'être admirés. Et puis ils sont portés par une figure majeure, Bernard de Clairvaux. Alors là, renom, c'est formidable, cet ordre cistercien, avec une préoccupation pour mettre en valeur les terres. Alors qu'est-ce que l'on doit aux cisterciens? Dites-nous, Mathieu Arnoux, parce que on l'a évoqué, ces moines. On les imagine cultivateurs, jardiniers. C'est plus complexe. Vous avez utilisé tout à l'heure le mot de moine convert. Qui sont ces moines convert? Ce sont des laïcs, c'est ça? Alors, on a ça depuis le XIe siècle. On l'a pour la Chartreuse, on l'a pour Grandmont. Il y a des moines qu'on va appeler chez les cisterciens des moines de cœur, qu'on va appeler les frères qui sont prêtres, dont la tâche fondamentale est de prier et de chanter. Point. Et puis il y a des gens qui veulent être associés à l'aventure. Et dans les premières décennies de Cîteaux, c'est une élite. Hein, ils arrivent avec des biens, ils arrivent avec des moulins en particulier. Ce sont des spécialistes de choses techniques. Et on va leur déléguer la gestion des choses techniques. Et donc, mais très très tôt, Cîteaux dit une abbaye, c'est une abbaye avec une clôture. À l'intérieur de la clôture règne la règle de Saint-Benoît, mais dès les années 1130, on dit attention, quand il y a des salariés, on ne fait pas jeûner des salariés parce que ça n'est pas dans leur contrat. Ça veut dire qu'il y a des salariés à l'intérieur des couvents pour construire les couvents. C'est pas les cisterciens qui font ces merveilles, ce sont des gens payés. Et puis il y a ce qu'on appelle les granges. C'est pas eux qui les inventent, hein, le mot existe avant eux. Ce sont des lieux de fixation des terroirs où on va avoir à la fois de l'entrepôt pour les graines et des terres et des animaux. Et ce sont des lieux qui jouent un rôle absolument fondamental dans la circulation des produits. Et ce que font les cisterciens, qui est là et absolument stupéfiant, c'est de couvrir l'Europe d'un réseau avec une espèce d'algorithme, hein, disant voilà, entre deux abbayes cisterciennes, il y a un ou deux jours de marche à pied. Entre une abbaye et ses granges, il peut pas y avoir plus d'un jour de... Entre une abbaye de chanoines prémontrés, qui sont les petits frères des cisterciens, et une abbaye de chanoines de moines cisterciens, il peut pas y avoir moins de temps. Etc. Donc c'est une espèce d'algorithme. Ça fait que fin 12e, il y en a depuis les Balkans jusqu'à l'Irlande, depuis la Suède jusqu'à l'Andalousie, enfin pas l'Andalousie, non, la Castille, et ils se réunissent tous les ans, le 14 septembre. Donc ceux qui sont très très loin peuvent venir une fois tous les deux ans. S'ils viennent pas, ils ont besoin de mots d'excuses. Alors il y a le mot d'excuse parce que les Tatars sont dans la région. On dit ça, c'est une bonne excuse. Ou parce qu'on est trop pauvre, c'est aussi une excuse. Mais il faut qu'ils viennent. Et puis quand même, sitôt, avec 300 abbés. Donc, on dit très vite, on dit, on vient seul. On vient pas à deux, on vient sûrement pas à trois. On vient seul et avec un cheval. Il y a 5 abbés qui sont les 4 filles plus l'abbé de Savigny ont droit à venir avec une personne et 2 chevaux. Ou 3 chevaux, pas plus. Et puis, détail magnifique, hein, il est interdit d'aller acheter, pour les cisterciens, d'aller acheter des truites dans le lac d'Annecy à partir de la Madeleine, donc à partir de la fin juillet, parce que les truites sont réservées pour le chapitre général. Elles vont être expédiées au chapitre général, donc il faut imaginer des charrettes de truites qui vont vers Citeaux. Donc ça fait quand même, Annecy-Dijon, ça fait loin. Hein. Loin, oui. Mâcon plutôt. Et donc c'est des choses qui, on se dit, c'est une merveille de gestion. Ce sont des gens qui inventent complètement la gestion entrepreneuriale. De fait, c'est un objet qui fascine les historiens américains de la gestion, du management. Et est-ce qu'ils transforment la manière de cultiver la terre, alors? Parce que les granges monastiques, c'est vrai que ça, c'est de la gestion. Cette idée de granges monastiques, vous nous l'avez dit, qui se trouve partout sur le territoire, avec des réserves, comme ça on peut envoyer tout, c'est formidable. Mais est-ce que la manière de produire change? Alors, la manière de produire change parce que on va utiliser le terme managérial. À quoi ça sert, le chapitre général? Ça sert à repérer les bonnes pratiques. Et ensuite, on va répandre les bonnes pratiques. Donc, ils innovent pas. Il n'y a pas un service de recherche et développement dans Citeaux. Il y a par contre une capacité à dire, tiens, là, les paysans font ça, mais c'est une très bonne idée. On va sélectionner, regarder, diffuser. C'est autour de Paris, c'est du blé. Du blé. Pour les Vaux-de-Cernay, donc actuellement quasiment sous l'université de Saclay, on a des rendements. C'est les rendements du bio actuel. D'accord. Donc ils font entre 8 et 10 grains par grain semé. C'est beaucoup. C'est réellement beaucoup. Donc ça c'est très très remarquable. Et puis vous êtes dans le Jura autour de Lons-le-Saunier, ils font du sel. Et puis à Citeaux, il faut se souvenir des noms des granges de Citeaux, hein. Pomard, Chevret-Chambertin, Vougeot. Ils doivent faire du vin, ces gens-là. Et ces gens-là ont inventé le vin. Alors, au milieu, un personnage charismatique, extrêmement ambivalent, qui est Bernard, immense poète mystique, d'une brutalité absolument insensée. Ces gens-là sont aussi des mystiques. Donc c'est compliqué. Ça, c'est le Californien ne l'est pas forcément. Voilà, c'est ça. C'est peut-être la différence, parce qu'il faut pas l'oublier. Ces moines-là de Citeaux, ce sont des entrepreneurs médiévaux très bien, mais ils prient aussi. Thank you. que nous venons d'entendre est une rareté. Enregistrement de 1948 du Salvé cistercien, mais tel qu'il était chanté avant l'adoption de l'antiphonaire et du graduel, la revisite du XXe siècle. Et ça a été un enregistrement réalisé assitôt avec cette prière, Mathieu Arnoux. Mais ma prière, moi, c'est de bien comprendre en quoi cette histoire-là nous parle à nous. Un monde sans ressources, besoins et sociétés en Europe, 11e, 14e siècle. Vous le publiez chez Albin Michel. Vous nous l'avez dit, ces rendements pour les cisterciens équivalent à ce que l'on peut produire aujourd'hui dans le bio. Le bio, c'est-à-dire avec malgré tout des engrais, mais engrais sélectionnés. On enrichit la terre et on utilise des pratiques. Un monde sans ressources, pourquoi ce titre à votre ouvrage ? Le mot ressources, c'est un mot qu'on utilise sans y penser. Et puis quand on essaye de se dire, mais au fond c'est quoi ? On se dit c'est beaucoup beaucoup de choses, hein. Des personnes sans ressources, des ressources humaines, des ressources naturelles. Qu'est-ce qu'il y a en commun dans tout ça? Ce qu'il y a en commun, c'est que ce sens-là, qui est celui qui nous est resté, il date de la révolution industrielle. Il dit les trucs qui sont là et qui attendent qu'on s'en serve. Avant, il n'y a pas de trucs qui soient là et qui attendent qu'on s'en serve. C'est pas qu'ils soient mieux que nous, c'est simplement qu'ils n'ont pas cette idée-là, qu'ils ont une idée qui est plus dictée par l'urgence, qui est de quoi a-t-on besoin. Et comment on va faire, hein. Et ressources, il faut quand même se souvenir que c'est le doublé linguistique de résurrection. Ressurgir, hein, c'est une résurgence, hein, c'est une source recommencée, et la ressource dans les textes religieux en langue vulgaire, ça peut être la résurrection du Christ. Ça veut dire que ressource renouvelable n'a aucun sens en fait. Non, ces gens ne fonctionnent pas comme ça. Ouais. Et de fait. Alors, si on, on débarque brutalement par une petite porte dans la bagarre autour de l'anthropocène. Hein, c'est bien de ça qu'il s'agit. La notion de ressource, elle va pas mettre 40 ans pour devenir le charbon. Hein, c'est l'économie des ressources, c'est l'économie charbonnière, l'économie pétrolière, c'est l'économie du gaz, c'est toutes ces choses-là. Donc ça va dire énergie. Ça dit pas n'importe quelle énergie. Les ressources, c'est un stock. Si on pense sans ressources, on pense en flux, on pense en renouvelables, on pense le soleil. La photosynthèse, les plantes qui poussent ou qui poussent pas, les récoltes, et comment on fait pour arriver à construire une société durable à partir de ressources qui sont constamment mesurées et qui sont, il faut parier sur, on peut parier sur la lumière du soleil, mais on commence à savoir que parier sur la lumière du soleil, ça peut être un peu compliqué en période de réchauffement climatique. Donc, on a quelque chose qui dit, on peut pas se passer du mot. Donc je l'utilise, mais les ressources sont des dérivés du flux solaire. Avec de la pluie, pas de pluie, avec ce qu'il faut comme lumière ou pas ce qu'il faut comme lumière, etc. Et à ce moment-là, c'est un type radicalement différent de société. C'est du coup le Moyen-Âge, c'est intéressant parce que ça nous dit comment avant nous on s'est débrouillé pour faire ça, alors que nous sommes quand même beaucoup à être conscients qu'il faudrait aller vers ça, mais peut-être sans déperdition de tout ce que nous avons. Et puis avec cet exemple du passé pour réfléchir au présent, comme toujours, le bio, et vous venez de nous le dire quand même, belle production, mais Paris 250 000 habitants. C'est la limite aussi de cette réflexion à adapter au temps d'aujourd'hui, avec un peu plus d'habitants quand même dans les grandes villes. Voilà, donc 12 millions. Bah oui, 12 millions, alors on va dire 500 000 habitants si on met Paris, plus l'entourage de Paris. Et des campagnes, quand on lit les textes qui sont un petit peu dédaignés aujourd'hui, par exemple sur l'abbaye de Compiègne, les quantités de blé qui sont là-dedans sont absolument phénoménales. Ouais. L'unité de compte, c'est le mui. Un mui, c'est 18 hectolitres. 1800 litres de plus d'un mètre cube, hein, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui signifie que 11e, 14e siècle, je reprends les limites chronologiques de votre ouvrage Mathieu Arnoux, Un monde sans ressources, il y avait d'énormes productions de blé avec les ressources au sens de un peu de soleil, de l'eau et puis du bois aussi, du charbon. C'est une réflexion pour les temps d'aujourd'hui de réfléchir à ce qui s'est passé dans ce Moyen-Âge. Merci vivement à vous de nous avoir présenté ce monde paysan du temps des laboureurs jusqu'à ce monde sans ressources. Merci beaucoup Mathieu Arnoux. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment les Grecs fabriquaient-ils leur vin ? En 1857, Louis Pasteur a démontré que les levures étaient responsables de la fermentation en produisant de l'alcool à partir du sucre. Bien que ce processus biochimique ait été ignoré auparavant, cela n'empêchait pas les hommes de produire du vin. Les textes anciens montrent, par exemple, que les Grecs avaient déjà mis au point des règles empiriques afin de maîtriser le processus de fermentation qui transformait le moût de raisin en vin. Dans la Grèce ancienne, il était établi que les vendanges ne devaient commencer que lorsque les grappes de raisin étaient parvenues à maturité. Les producteurs devaient assurer un tri journalier, pour éliminer les grains attaqués par les insectes ou ceux qui étaient pourris. Les Grecs pratiquaient aussi la technique dite de passerillage. Elle consistait à laisser les raisins sur pied afin qu'ils sèchent sous l'action conjuguée du soleil et du vent. Le passerillage durait généralement de 2 à 3 semaines. Puis les grappes étaient foulées, parfois dans les vignes mêmes ou dans les chais. Débutait alors un début de macération qui favorisait l'extraction des arômes. Après le foulage, le moût était transvasé dans les jarres, les pitoyes, qui étaient enterrées à moitié ou aux 2/3 selon la qualité du vin. Pendant une période allant de 5 à 15 jours, les jarres restaient ouvertes et faisaient l'objet d'une surveillance attentive. Étant donné que les Grecs ignoraient quel usage l'on pouvait faire du dioxyde de soufre, il ne parvenait pas à empêcher le développement des bactéries, des moisissures et des levures qui se développent en présence d'oxygène. Néanmoins, ils avaient mis au point des procédés empiriques pour maîtriser ce processus fermentaire. L'addition de sulfate de chaux provoquait une importante augmentation de l'acidité. L'ajout de gypse diminuait le pH et contribuait ainsi à limiter le développement des bactéries. Les Grecs avaient aussi pour coutume de placer sur le moût, en fermentation, avant fermeture des pitoyes, une couronne de feuilles de menthe, d'origan ou de calamant. On sait aujourd'hui que ces plantes contiennent des phénols qui ont des propriétés aromatiques, mais également antibactériennes et antifongiques. Les Grecs avaient donc compris empiriquement l'emploi qui pouvait être fait de ces plantes. Leurs composés antimicrobiens agissaient sur les levures et ralentissaient le processus de fermentation. Au moment de la fermeture des jarres, la fermentation alcoolique était déjà bien avancée. À la fin de l'hiver, quand la température du cellier dépassait 10 degrés, un voile de levure se développait à la surface libre du vin au contact de l'air. On appelait ce voile la fleur du vin. Il fallait le surveiller étroitement, car ce voile pouvait annoncer une détérioration sérieuse du vin causée par des bactéries. Traditionnellement, on ouvrait les pitoyes au mois de mars, lorsque débutait la plus ancienne des fêtes en l'honneur de Dionysos, les Anthesteria. Bien que les vignerons grecs de l'Antiquité aient ignoré l'usage du dioxyde de soufre, les techniques vinicoles qu'ils avaient élaborées de manière pragmatique leur permettaient donc déjà de contrôler l'oxydation du vin. Merci Gérard Noiriel, à la vôtre. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Émission préparée par Mathieu Copal, Jeanne Delecroix, Toscane Diudet, Jeanne Copet et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur francecultur.fr et l'appli Radio France. C'est un gueux qui possède le château. Quoi ? Un gueux ? Quoi, un gueux ? Je vous en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça l'empêche pas d'être un mari sympa. Lui, un gueux ! Oh, quoi ?